Chapitre 37. Le marché. À la cour, la confusion avait atteint son point d'ébullition. Qu'ils fussent sous les jardins, suspendus, au milieu des vapeurs des thermes, au balcon de l'opéra familial ou dans les salles de jeu de la jetée promenade, les nobles ne tenaient plus en place. Ils se rassemblaient fréquemment autour des kiosques à gazettes pour suivre chaque révélation de la retentissante affaire de l'Imagie Noire, où Thorne jouait tour à tour le rôle du traître, de l'assassin et du menteur. Les mirages particulièrement choqués étaient avides de détails, mais ils n'avaient pas le temps de faire leur deuil. Leur monde changeait, et il changeait vite. Du jour au lendemain, une nouvelle population avait fait son apparition dans le décor. Les invisibles, les narcotiques et les persuasifs, anciennement déchus, s'affichaient partout la tête haute. Trois nouveaux clans, trois nouveaux rivaux dans la course aux faveurs de Farouk. C'était une noblesse d'un genre très différent qui avait connu les affres du froid et de la faim sur plusieurs générations. Ces gens-là ne possédaient ni le raffinement des mirages, ni la diplomatie de la toile, préférant l'épée à la dentelle, l'action à la conversation, la chasse au salon. Ils avaient tellement le sens des réalités qu'à peine revenus à la cour, ils revendiquaient déjà leurs anciennes possessions familiales, depuis longtemps redistribuées à d'autres branches aristocratiques. Et comme si l'ambiance n'était pas suffisamment fébrile, la troupe de la caravane du carnaval avait débarqué à la citatielle sans que personne sût qui exactement était à l'initiative de son invitation. On ne pouvait plus faire un pas dans les hauts quartiers sans croiser un noble furieux, un avocat hystérique ou un dresseur de chimères. Seul Farouk brillait par son absence. À l'issue des états familiaux, il s'était enfermé dans ses appartements privés avec ordre de ne laisser entrer personne. C'était pourtant lui qu'Ophélie était venue trouver aujourd'hui d'un pas résolu. Elle remontait la jetée promenade où le faux soleil se couchait sans fin sur la fausse mer. Chaque bousculade était un calvaire pour son bras en écharpe, mais Ophélie continuait de marcher à vive allure et dès qu'un courtisan l'assaillait de questions, elle replongeait dans la foule. Elle avait déjà répété sa version des faits à sa famille, au brigadier, à la justice et à la presse. Elle n'avait à présent plus une seconde à perdre. La tante Roselyne surgit juste au moment où le groom s'apprêtait à refermer la grille de l'ascenseur privé de Farouk. Ophélie la croyait à l'hôtel avec les autres animistes. « Tu as peut-être encore réussi à fausser compagnie à toute ta famille, mais à moi, tu ne referas pas deux fois le coup du miroir. Tu as plus que jamais besoin d'un chaperon, gamine. »« Monsieur Farouk souhaite me rencontrer seul, » lui dit Ophélie. « Ça ne m'empêchera pas de t'escorter jusqu'au dernier moment. » La cabine aménagée en salle de réception s'éleva lentement en faisant teinter ses lustres de cristal. « La rapporteuse garde sa girouette braquée sur toi, » l'avertit la tante Roselyne. « Elle a envoyé son compte-rendu aux doyennes et attend leur réponse d'un instant à l'autre. Le familistère d'Anima n'approuvera pas ce que tu envisages de faire. Je ne suis déjà pas certaine de l'approuver moi-même. » « Tant que leur télégramme ne nous est pas parvenu, je n'ai encore désobéi à personne, » rétorqua Ophélie d'un ton ferme. C'est pour cette raison que j'ai demandé un rendez-vous de toute urgence. Monsieur Farouk a accepté beaucoup trop vite, ça ne m'inspire rien de bon. Bérénilde a demandé 100 fois à le voir sans même qu'il lui fasse la politesse d'une réponse, la propre mère de son enfant. Elle en est réduite à courir de salon en salon, son bébé dans les bras, à la recherche d'appui. Bérénilde qui supplie, te rends-tu compte? Je ne l'ai jamais vue aussi désespérée. La tante Roselyne s'aperçut qu'Ophélie se tenait obstinément silencieuse, la main crispée autour de son bras en écharpe, le regard fixé droit devant elle. « Je n'ai pas beaucoup de sympathie pour M. Thorne, » ajouta-t-elle d'une voix radoucie. « Mais ce qui lui arrive est révoltant. Aucun droit de visite, interdiction de comparaître, et un procès si sommaire que les jurés n'ont probablement pas eu le temps de s'asseoir. Même les déchus, les anciens déchus, pardon, se désolidarisent tous de lui. Je comprends que tu sois bouleversé. » Ophélie ne répondit pas, laissant le soin à la musique du phonographe de remplir le silence à sa place. Bouleversée, c'était au-delà de ça. Il ne lui était pas souvent arrivé de haïr quelqu'un, mais ce qu'elle éprouvait en pensant au baron Melchior, fût-ce post-mortem, s'en rapprochait d'heure en heure. Personne à la cour n'avait voulu croire qu'un homme aussi paisible eût organisé l'enlèvement de ses propres cousins et l'assassinat d'une jeune fille. En revanche, tout le monde s'accordait à dire que Thorne en était, lui, parfaitement capable. La mauvaise impression qu'il avait produite en donnant sa démission à Farouk et en rompant l'alliance diplomatique avec Anima n'avait pas joué en sa faveur. Thorne était devenu le coupable par excellence, celui qui n'était plus seulement inculpé pour le meurtre du ministre des Élégances, mais aussi pour celui du comte Harold, du directeur du Nibelungen, du prévôt des maréchaux et même de la mère Hildegarde, disparu dans des circonstances tout à fait obscures. Les aveux écrits de cette dernière avaient mystérieusement disparu. Ophélie avait évidemment demandé à témoigner, mais on ne l'avait pas autorisé à le faire dans l'enceinte du tribunal. Un greffier s'était contenté de recueillir sa déposition et elle était convaincue que ce papier n'avait jamais quitté le tiroir où il avait été rangé. Le verdict était tombé tôt ce matin-là avec la rapidité d'un couperet. Déclaré traître à sa famille, Thorne avait été condamné à la mutilation de ses deux pouvoirs familiaux, à la suite de quoi il serait jeté hors des murailles. Livré aux bêtes sans ses griffes et sans sa mémoire, et comme si cette mécanique judiciaire n'était pas suffisamment expéditive, l'application de la sentence avait été arrêtée pour la semaine suivante. Ophélie ravala la bouffée de panique et de colère qui lui remontait du ventre. Elle ne le permettrait pas. Quand Thorne avait choisi de se rendre à la justice, elle lui avait dit qu'elle respecterait sa décision. À aucun moment elle n'avait promis de ne pas s'en mêler. « Le gynécée !» annonça le groom. Ophélie allait lui demander de poursuivre son élévation, mais quelqu'un tira la sonnette de la grille pour monter à bord. C'était Archibald. « Mes hommages » salua-t-il en soulevant son vieux haut de forme. Mal peigné, mal rasé, mal habillé, on aurait dit un vagabond. Le groom lui-même ne put réprimer un froncement de sourcils en le voyant prendre place dans l'ascenseur. « Vous avez une mine pitoyable, » lui dit la tante Roselyne. « Comment vous sentez-vous ? » « Pareil à ma mine, chère madame. » Le sourire plaisantin d'Archibald laissa place à ses yeux éteints. Il ne ressemblait pas à un vagabond, il ressemblait au fantôme d'un vagabond. Non seulement la toile avait rompu son lien, mais elle continuait de porter son deuil, à croire que sa présence corporelle ne suffisait plus à faire de lui un vivant. Ses propres sœurs le traitaient comme un étranger. Son régisseur avait disparu dans la nature, et la mère Hildegarde, qui faisait partie intégrante de son univers depuis sa naissance, était morte. Son monde à lui aussi avait changé du jour au lendemain. Ophélie aurait voulu se sentir désolée pour lui, mais elle n'en avait pas le temps. « Avez-vous du nouveau ? » demanda-t-elle. Archibald se servit une coupe de champagne au buffet de l'ascenseur. « Je viens de m'entretenir, pour le dire décemment, avec Madame Nadia. » Elle s'est d'abord montrée plutôt réservée quand elle a su ce qui m'amenait. Thorne n'a jamais été aussi impopulaire. Fort heureusement, tel n'est pas mon cas. Personne ne résiste longtemps à Archibald. Ophélie le crut volontiers. Aucun autre homme n'aurait pu entrer dans le gynécée de Farouk et en ressortir impunément comme il venait de le faire. « Madame Nadia est une favorite très intéressante, » poursuivit Archibald après une gorgée de champagne. « Elle n'a pas seulement les plus jolies jambes de la cour, elle a aussi le bras formidablement long. En quelques appels téléphoniques, elle a pu m'obtenir une rencontre de 5 minutes au parloir. Pour une prison d'État, je ne pouvais pas espérer davantage. « Nous allons pouvoir parler à Thorne ?» s'écria Ophélie qui sentit son estomac se recroqueviller sur lui-même. La tante Roselyne la considéra avec un léger tressaillement un peu troublé, mais elle ne dit rien. L'ambassadeur secoua la tête, sourire en coin. « Pas vous, non. Madame Nadia n'a accepté de rendre ce service qu'à moi. J'emploierai au mieux ces 5 minutes, » promit-il en faisant un effort pour paraître sérieux. « Si Thorne a un message pour vous, je m'engage à vous le communiquer. »« Dites-lui que nous ne l'abandonnons pas, » murmura Ophélie en serrant fort la manche d'Archibald. « C'est tragique de votre part, ce que vous faites. Thorne appréciera. » Archibald battit des paupières. Ses yeux se mirent à pétiller comme sa coupe de champagne avant de s'éteindre à nouveau, brève résurgence de son ancien regard. « Thorne appréciera ?» répéta-t-il. « Jusqu'à cette seconde, je ne pensais même pas qu'il était possible d'accorder ces deux mots. Qu'il n'y ait aucun malentendu, Ophélie. Je ne fais pas cela pour lui. » « J'ai une dette envers vous, et je déteste cette idée. C'est beaucoup plus amusant quand les rôles sont inversés. » C'était sa façon de lui dire merci. Depuis qu'Archibald avait refait surface, il ne s'était pas beaucoup parlé et Ophélie le soupçonnait d'avoir un peu honte. Il n'avait conservé de son séjour à l'imaginoire qu'un souvenir délirant. La dernière fois qu'il avait eu affaire au baron Melchior, c'était au clair de lune quand il lui avait subtilisé son sablier. Archibald avait vu en lui la prochaine victime de la Meryl de Garde dont il s'était convaincu, à tort évidemment, qu'elle était la responsable des enlèvements. Il avait décidé de dégoupiller le sablier en secret sans prévenir personne, croyant qu'il le conduirait jusqu'à l'architecte. Il avait pensé qu'une fois sur place, il lui serait possible de la ramener à la raison et de régler cette situation sans faire d'éclaboussure. Aujourd'hui encore, il payait cette erreur de jugement. « Dernier étage !» annonça le groom en bloquant le frein de l'ascenseur et en ouvrant la grille d'or. « Les appartements privés du seigneur Farouk. Seule mademoiselle a l'autorisation de passer. » La tante Roselyne pinça l'épaule d'Ophélie pour la retenir un instant. « Je me suis trompé. Tu n'es plus une gamine. Allez !» dit-elle d'un ton bourru en la relâchant. « Montre à monsieur Farouk ce dont une animiste est capable. » Ophélie n'avait vraiment pas le cœur à sourire, mais elle ne put retenir celui qui lui vint aux lèvres. « Comptez sur moi. » Elle s'avança sur le carrelage d'une antichambre. Le groom referma la grille et Ophélie vit l'ascenseur redescendre en emportant avec lui Archibald, qui leva sa coupe en son honneur, et la tante Roselyne qui lui adressa des gestes d'encouragement. C'était la première fois qu'elle mettait les pieds au septième étage de la tour. En pénétrant dans l'antre de l'esprit de famille, elle s'était attendue à découvrir la quintessence du confort et de l'extravagance. L'antichambre se résumait à une pièce, sans meubles, plus haute que large, très fraîche, et dont l'unique vocation était de donner sur une immense porte d'or. Comme il n'y avait aucun domestique et qu'Ophélie n'était pas d'humeur à attendre, elle ouvrit la porte sans avoir été annoncée. Les appartements de Farouk se révélèrent plus surprenants encore que son antichambre. De gigantesques rayonnages de livres quadrillaient la salle en formant des couloirs vastes comme des rues. Le pas d'Ophélie résonna sur le carrelage en damier, tandis qu'elle marchait entre les rangées de volumes dont la hauteur faisait trois fois sa taille. Cette collection privée était presque digne de la grande bibliothèque familiale d'Anima où travaillaient ses parents. Certains livres étaient en si mauvais état malgré les rafistolages apparents qu'ils semblaient sur le point de tomber en morceaux. Ophélie se sentait sans repère dans ce monde uniquement composé de lignes verticales et horizontales. « Ohé ?» appela-t-elle. Sa voix rebondit entre le carrelage en damier et le haut plafond sans recevoir de réponse. Ophélie finit tout de même par trouver Farouk dans l'une des dernières allées de livres. Il se tenait debout, complètement absorbé par la lecture d'un ouvrage si silencieux, si immobile et si blanc qu'Ophélie l'avait d'abord pris pour une statue de marbre. « Monsieur ?» Avec une infinie lenteur, Farouk détacha ses yeux pâles de son livre pour les abaisser sur Ophélie. La puissance de son psychisme déferla aussitôt sur elle comme une pluie verglaçante. « Je vous remercie d'avoir accepté de me recevoir, monsieur. » Comme il ne répondait pas, Ophélie sentit l'écharpe se tendre nerveusement autour de son bras cassé. « Votre trait de mémoire n'est pas ici ? » demanda-t-elle en cherchant le jeune homme des yeux. « Je l'ai congédié. Je voulais être seule avec vous. » La voix flasque de Farouk propagea des frissons sur toute la peau d'Ophélie, mais elle ne se laissa pas dominer par la peur, pas cette fois. « Monsieur, je suis venu vous voir parce que, regardez !» Farouk lui avait coupé la parole pour lui montrer le livre qu'il tenait en main. Ophélie s'aperçut que c'était son pense-bête. L'esprit de famille avait collé sur la toute dernière page, plutôt maladroitement du reste, une photographie découpée dans un journal. Un bébé à la peau pâle et aux yeux clos. L'écriture manuscrite de Farouk avait succinctement commenté entre deux pâtés d'encre « Petite de Bérénilde ». Ophélie devait admettre qu'elle ne s'était pas attendue à cela. « Monsieur, je suis venue. Je voudrais oublier cette... « Môme !» la coupa à nouveau Farouk en se replongeant dans la contemplation méditative de sa photographie. « Les enfants sont si bruyants, si ennuyeux, si facile à faire pleurer, énuméra-t-il avec mollesse. Je ne supporte pas leur compagnie en général, mais je voudrais oublier cette môme plus encore que tous les autres. Elle a pris ma place dans l'existence de Bérénilde, et je pressens qu'elle va me causer tout un tas de désagréments. Je voudrais vraiment l'oublier. Alors, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me la sortir de la tête ? Il referma son carnet et le rangea sur le rayon en face de lui. Ophélie réalisa alors que la bibliothèque était uniquement composée de pense-bêtes, des centaines, des milliers de pense-bêtes. Cet endroit était la mémoire écrite de Farouk. « Monsieur, insista-t-elle, je suis venue vous proposer... » La fin de sa phrase mourut sur ses lèvres. Farouk s'était penché sur elle dans un interminable mouvement de peau, de fourrure et de cheveux blancs. Ophélie eut l'impression de voir foncer sur elle une avalanche de neige. Il souleva ses lunettes d'un doigt pour la dévisager avec une curiosité qui confinait à la fascination. La proximité de son psychisme était à présent si oppressante qu'Ophélie sentit ses oreilles se boucher, comme si elle venait de passer sous un tunnel ferroviaire. « Il en va de même pour vous, petite d'Artémis. » murmura Farouk en découpant lentement, très lentement, chaque syllabe. « Je n'arrive plus à vous sortir de ma tête. Vous avez l'air fâché, constata-t-il soudain. Ophélie libéra le souffle qu'elle avait trop longtemps retenu. L'homme que j'aurais dû épouser sera mutilé et jeté aux bêtes dans une semaine. Thorn vous a toujours servi avec la plus grande honnêteté, et vous, vous ne vous êtes pas soucié un instant de lui garantir un procès équitable. Farouk lâcha les lunettes qui retombèrent brusquement sur le nez d'Ophélie. Son visage séraphique sans un pli, sans une ride, sans une imperfection s'était durci comme de la glace. « Je ne suis pas rancunier pour la simple et bonne raison que j'ai une très mauvaise mémoire. La façon dont cet ingrat a rompu sa promesse envers moi, gronda-t-il avec un orage au fond de la gorge, je ne suis cependant pas prêt de le lui pardonner. J'espère dans votre intérêt, petite d'Artémis, que vous n'êtes pas venue me demander de le gracier. Je ne vous apprécie pas au point de m'humilier pour vous. » La menace à peine chuchotée fut accompagnée d'une onde psychique qui déclencha une névralgie dans tout le corps d'Ophélie. Elle sut qu'il était absolument inutile d'expliquer à Farouk que Thorn avait déchiré son contrat pour la protéger, elle, et non pas le défier, lui. « Non, répondit-elle avec aplomb. J'ai demandé à vous voir pour vous proposer un marché. » Avec des gestes rendus encore plus maladroits par son bras cassé, Ophélie déplia une feuille qu'elle avait précieusement gardée sur elle. « C'est le fac-similé du contrat de Thorn, expliqua-t-elle. « Celui où il s'était engagé à m'épouser, à s'approprier mon pouvoir familial et à déchiffrer votre livre. Je viens honorer ce contrat à sa place. » Farouk fronça mollement les sourcils comme s'il produisait soudain un effort de concentration exceptionnel. Il prit un temps infini à parcourir le fac-similé, cherchant un vice de forme ou une clause cachée. Quand il releva les yeux vers Ophélie, une lueur dangereuse s'y était allumée. « Vous voulez lire mon livre ?»« Je veux faire respecter ce qui était convenu dans ce contrat, » rectifia Ophélie. « En échange de ma prestation de liseuse, vous maintenez le mariage pour aujourd'hui. »« Vous n'avez pas d'autres exigences ?»« Non, monsieur. » Un sourire se déplia lentement, très lentement, sur le visage de Farouk. Loin d'en adoucir les lignes, il les rendit plus durs et plus glacés encore. Marché conclu.